Unité 43. Conversation. Écoutez. 1. J'ai appelé le plombier pour la réparation du chauffe-eau. 2. J'ai appelé le plombier pour réparer le chauffe-eau. 3. J'ai appelé le plombier pour qu'il répare le chauffe-eau. 4. Le ministère des PET a pris des mesures en vue de l'amélioration du réseau téléphonique. 5. Le ministère des PET a pris des mesures pour améliorer le réseau téléphonique. 6. Le ministère des PET a pris des mesures pour qu'on améliore le réseau téléphonique. 7. Nous avons isolé notre maison par souci d'économie. 8. Nous avons isolé notre maison pour faire des économies. 9. Nous avons isolé notre maison pour que nous fassions des économies. Répétez. 10. J'ai appelé le plombier pour la réparation du chauffe-eau. 11. J'ai appelé le plombier pour réparer le chauffe-eau. 12. J'ai appelé le plombier pour qu'il répare le chauffe-eau. 13. Le ministère des PET a pris des mesures en vue de l'amélioration du réseau téléphonique. 14. Le ministère des PET a pris des mesures pour améliorer le réseau téléphonique. 15. Le ministère des PET a pris des mesures pour qu'on améliore le réseau téléphonique. 16. Nous avons isolé notre maison par souci d'économie. 17. Nous avons isolé notre maison pour faire des économies. 18. Nous avons isolé notre maison pour que nous fassions des économies. Répondez, répétez. 19. Tu as appelé le plombier pour quoi? 20. J'ai appelé le plombier pour la réparation du chauffe-eau. 21. Tu as appelé le plombier pour quoi? 22. J'ai appelé le plombier pour réparer le chauffe-eau. 23. Tu as appelé le plombier pour quoi? 24. J'ai appelé le plombier pour qu'il répare le chauffe-eau. 25. Dans quel but le ministère des PET a-t-il pris des mesures? 26. Le ministère des PET a pris des mesures en vue de l'amélioration du réseau téléphonique. 27. Dans quel but le ministère des PET a-t-il pris des mesures? 28. Le ministère des PET a pris des mesures pour améliorer le réseau téléphonique. 29. Dans quel but le ministère des PET a-t-il pris des mesures? 30. Le ministère des PET a pris des mesures pour qu'on améliore le réseau téléphonique. 31. Vous avez isolé votre maison. C'est en vue de faire des économies? 32. Oui, nous avons isolé notre maison par souci d'économie. 33. Vous avez isolé votre maison. C'est en vue de faire des économies? 34. Oui, nous avons isolé notre maison pour faire des économies. 35. Vous avez isolé votre maison. C'est en vue de faire des économies? 36. Oui, nous avons isolé notre maison pour que nous fassions des économies. été? 37. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, le Conseil des ministres s'est réuni. 38. À l'ordre du jour, les mesures à prendre pour lutter contre l'inflation. 39. Le développement des exportations pour améliorer la balance des paiements. 40. Le projet de loi pour le financement public des partis politiques. 41. La possibilité d'un accord avec l'Algérie pour la recherche et l'exploitation du gaz naturel. 42. Le nouveau calendrier scolaire en vue de l'étalement des vacances. Répondez, répétez. 43. Aujourd'hui, y a-t-il eu un conseil des ministres? 44. Oui, aujourd'hui, comme tous les mercredis, il y a eu un conseil des ministres. 45. Quel était le premier point à l'ordre du jour? 46. Les mesures à prendre pour lutter contre l'inflation. 47. Et ensuite? 48. Le développement des exportations pour améliorer la balance des paiements. 49. De quoi a-t-il encore été question? 50. Du projet de loi pour le financement public des partis politiques. 51. A-t-on parlé d'une possibilité d'accord avec l'Algérie? 52. Oui, on a parlé d'une possibilité d'accord avec l'Algérie pour la recherche et l'exploitation du gaz naturel. 53. Y avait-il autre chose? 54. Oui, le nouveau calendrier scolaire en vue de l'étalement des vacances. Écoutez. Bonsoir, ma chérie. Quoi de neuf aujourd'hui? Il y a eu un court-circuit quand j'ai mis en route le lave-vaisselle. As-tu appelé l'électricien? Oui, j'ai appelé l'électricien pour qu'il vienne voir. Que s'était-il passé? Le moteur du lave-vaisselle est grillé. Il l'a emmené pour le réparer? Oui, il fallait qu'il l'emmène pour qu'il puisse le réparer. Quand le ramènera-t-il? Pas avant la semaine prochaine. Comment on va faire pour la vaisselle? Mais mon chéri, comme ça tu auras le plaisir de la faire. Répétez. 55. Bonsoir ma chérie. Quoi de neuf aujourd'hui? 56. Il y a eu un court-circuit quand j'ai mis en route le lave-vaisselle. 57. As-tu appelé l'électricien? 58. Oui, j'ai appelé l'électricien pour qu'il vienne voir. 59. Que s'était-il passé? 60. Le moteur du lave-vaisselle est grillé. 61. Il l'a emmené pour le réparer? 62. Oui, il fallait qu'il l'emmène pour qu'il puisse le réparer. 63. Quand le ramènera-t-il? 64. Pas avant la semaine prochaine. 65. Comment on va faire pour la vaisselle? 66. Mais mon chéri, comme ça tu auras le plaisir de la faire. Répondez, répétez. 67. Bonsoir ma chérie. Quoi de neuf aujourd'hui? 68. Il y a eu un court-circuit quand j'ai mis en route le lave-vaisselle. 69. As-tu appelé l'électricien? 70. Oui, j'ai appelé l'électricien pour qu'il vienne voir. 71. Que s'était-il passé? 72. Le moteur du lave-vaisselle est grillé. 73. Il l'a emmené pour le réparer? 74. Oui, il fallait qu'il l'emmène pour qu'il puisse le réparer. 75. Quand le ramènera-t-il? 76. Pas avant la semaine prochaine. 77. Comment on va faire pour la vaisselle? 78. Mais mon chéri, comme ça tu auras le plaisir de la faire. Écoutez. 79. Quelles sont vos intentions en matière d'isolation? 80. Nous sommes bien décidés à faire une bonne isolation. 81. Que me conseillez-vous? 82. Pour l'isolation du grenier, je pense qu'il faut prévoir de la laine de verre. 83. Et pour les murs? 84. Pour qu'il n'y ait pas trop de déperdition de chaleur, nous utiliserons du béton cellulaire. Répondez, répétez. 85. Quelles sont vos intentions en matière d'isolation? 86. Nous sommes bien décidés à faire une bonne isolation. 87. Que me conseillez-vous? 88. Pour l'isolation du grenier, je pense qu'il faut prévoir de la laine de verre. 89. Et pour les murs? 90. Pour qu'il n'y ait pas trop de déperdition de chaleur, nous utiliserons du béton cellulaire. 91. Pour préparer une sauce béchamel, il vous faut de la farine, du beurre et du lait. 92. Vous faites fondre votre beurre à feu très doux. 93. Vous ajoutez alors la farine en remuant. 94. Vous laissez cuire quelques minutes. 95. Vous ajoutez alors peu à peu le lait en tournant pour éviter les grumeaux. 96. Pour terminer, vous assaisonnez à votre goût. Répondez, répétez. 97. Que faut-il pour préparer une sauce béchamel? 98. Il vous faut de la farine, du beurre et du lait. 99. Par quoi faut-il commencer? 100. Vous faites fondre votre beurre à feu très doux. 101. Quand le beurre est fondu, j'ajoute la farine? 102. Oui, vous ajoutez alors la farine en remuant. 103. On ajoute le lait tout de suite. 104. Non, vous laissez cuire quelques minutes. 105. Et après, on verse le lait. 106. Oui, vous ajoutez alors peu à peu le lait en tournant pour éviter les grumeaux. 107. Il faut mettre du sel et du poivre. 108. Oui, pour terminer, vous assaisonnez à votre goût.